Chapitre 6e. Le canot et la pirogue. Yusuf Ali n'était pas de la race chevaleresque des Maures de Grenade. Il éprouvait pour Malika l'amour que ressent un pacha pour la belle esclave exposée en vente dans un bazar. Peu lui importait que la pauvre hindoue, transportée à Mascate et enfermée entre les quatre murs de harem avec 5 ou 6 autres femmes jalouses, regrettât jusqu'à en mourir les ombrages du jardin paternel. Il avait fait briller des joyaux devant elle pour l'éblouir et la tenter, comme l'oiseleur qui fascine l'alouette à l'aide d'un miroir pour l'attirer dans ses filets. Jeune et sans expérience, Malika avait donné dans le piège avec l'étourderie d'une enfant qui veut plaire. Elle obéissait à un élan irréfléchi de son cœur, comme cela arrive souvent aux filles de l'Orient, dont l'éducation est fort négligée, et quelquefois même aux filles de l'Occident. Toute la nuit, elle rêva ce départ qui ouvrait à son imagination troublée des perspectives séduisantes. Quand le jour parut, il lui sembla que le soleil se levait plus radieux et que les fleurs du jardin exhalaient un parfum d'une douceur inaccoutumée. Le regard de tendresse confiante que son père laissa tomber sur elle lui causa bien quelque émotion. Elle allait donc l'abandonner seule dans cet enclos qu'elle avait réjoui de sa présence pendant 15 années. Il y mourrait peut-être de tristesse et de chagrin. Mais l'arabe ne devait-il pas l'emmener à son tour? Ne serait-il pas bientôt réuni? Le plaisir de se revoir ferait oublier si vite les ennuis d'une courte séparation. Ainsi pensait Malika, et elle faisait furtivement ses préparatifs de voyage. De son côté, Yusuf était prêt à mettre à la voile. Ses matelots avaient passé toute la journée à remplir leurs outres de peau de chèvre aux citernes du rivage. Dès que la nuit jeta son ombre sur la terre et sur les flots, le nakoda quitta son navire dans un esquif monté par 2 rameurs. Il rentra dans le canal par lequel les eaux de l'intérieur se déversent dans l'océan et traversa toute la ville d'Alep en remontant l'un des ruisseaux qui l'arrose. Arrivé ainsi à une petite distance du jardin de Malika, il fit signe à ses rameurs de l'attendre et s'enfonça dans les sentiers étroits qu'il avait si souvent parcourus. Malika l'attendait dans un coin reculé de l'enclos. Elle comprit qu'elle ne s'appartenait plus, et son premier mouvement fut de saisir la main de l'étranger qui disposait déjà de son sort. Yusuf avait hâte de retourner à son canot. Il l'entraîna doucement vers la route pour s'assurer qu'elle était bien décidée à le suivre. La jeune fille hésita un instant. La voix chevrotante de son père, qui ramenait ses buffles en chantant, venait de frapper son oreille. Elle poussa un soupir et versa une larme, la première qui eût coulé de ses yeux. Les souvenirs de son heureuse enfance s'éveillèrent dans son cœur. Elle eut peur et tressaillit. Comme pour se dérober à l'émotion qui l'oppressait, Malika cacha sa tête entre les bras de Yusuf et fit un pas en avant. Elle était partie. Appuyée sur le bras de l'arabe, l'hindou marchait sans rien dire, marquant à peine sur la poussière l'empreinte de ses pieds nus. Tout à coup, Yusuf s'arrêta. Il avait entendu un bruit de branches froissées qui annonçait l'approche d'un éléphant. L'animal s'avançait vers lui de manière à lui fermer la route. Il prit Malika dans ses bras, franchit la haie qui le séparait du champ voisin et gagna précipitamment son canot. Aucun indice ne les avait trahis. Ils pouvaient maintenant atteindre le Bagheraw sans laisser d'autres traces de leur fuite que le sillage si vite effacé de la petite barque. Obéissant au signal de leur maître, les matelots ramèrent le plus légèrement qu'il leur fut possible et dans le plus profond silence. Ils ne levaient pas même leur regard sur la jeune femme assise à l'arrière du canot près du nakoda. Celui-ci l'avait enveloppée d'un long voile, et Malika prenait pour une marque d'honneur cette précaution jalouse. Cependant, Cherumal, car c'était lui qui rôdait avec son éléphant Soubala autour du jardin, avait vu une ombre se glisser à travers les arbres. L'animal lui-même, au moment où le nakoda franchissait la haie, avait agité ses larges oreilles. Le Maou alarmé courut au trot jusqu'à la demeure de la jeune hindoue et se mit à appeler Malika. « Qui est là ? Qui demande Malika ?» répondit le vieux jardinier. « Votre fille est-elle près de vous, mon père ?» dit respectueusement le Maou. « Non, mon fils, » répliqua doucement le vieillard. « Elle sera dans quelque coin du jardin à cueillir des fruits. » Puis réfléchissant avec inquiétude que sa fille était toujours au logis à pareille heure, il se mit à crier d'une voix émue « Malika ! Malika ! » « Rien ne répond, » dit le Maou. « Vous voyez bien qu'elle n'est pas ici. Oh, mon père, s'il était arrivé quelque malheur !» Ces paroles produisirent sur le vieillard l'effet d'un coup de massue. Il s'affaissa sur lui-même et répéta en sanglotant le nom de sa fille bien-aimée. Chérumal ne chercha point à le consoler. Sans se rendre compte de la route qu'il prenait, il se rendit en droite ligne sur les bords du canal, au lieu où il travaillait tout le jour avec son éléphant. Le canot de l'arabe glissait silencieusement sur les eaux, caché par les palmiers. Dès qu'il l'entendit venir, Chérumal se pencha en avant. Il lui était impossible de reconnaître et même de découvrir Malika sous le voile qui la couvrait. En proie à une anxiété toujours croissante, il suivait du regard le mystérieux esquif et les mouvements de l'intelligent animal qui le portait lui-même. Cette fois encore, Subala dressa les oreilles, et Chérumal héla le canot. « Malika, est-ce toi? Réponds, au nom de ton père !» Malika ne répondit pas, mais le mouvement que fit la femme voilée pour se soustraire au regard du Mahou n'échappa point à l'attention de celui-ci. Il lança son éléphant dans le milieu du canal. L'eau qui jaillit sous les pas de la lourde bête couvrit l'esquif, et peu s'en fallut qu'il ne chavira. Les matelots donnèrent de si vigoureux coups de rame que le petit canot fila comme une flèche. On eût dit un poisson volant qui fuit devant un souffleur. Désespéré d'avoir manqué sa proie, Chérumal remonta sur la grève pour attendre les Arabes à leur entrée dans la mer. La barre qui déferle tout le long de la côte rend dangereux et difficile ce passage de l'eau douce à l'eau salée. Au moment où la vague écumante se dressait de toute sa hauteur, Malika, épouvantée, jeta un cri. Les rameurs, debout sur leurs avirons, laissèrent au flot le temps de s'amortir, puis poussèrent en avant. L'écume glissa de chaque côté de l'esquif, la barre était franchie. Ce fut alors que Chérumal se précipita avec son éléphant au milieu de la vague. L'animal, plongé dans la mer jusqu'au poitrail, posa sa trompe sur l'arrière du canot comme un grappin. « Arrêtez ou je vous coule !» criait le Mahou. « Tiens bon, Subala !» L'éléphant ne lâchait pas prise. Par un mouvement rapide, Youssouf s'est élevé et avec la pointe de son coutelas, il menaçait la trompe de l'animal. « Enlève Malika, sauve-la, mon bon Subala !» dit Chérumal avec enthousiasme. « Sauve-la et coule les brigands !» Subala comprit les paroles de son maître. Sa large patte écrasa comme une coquille de noix le frêle esquif, tandis que sa trompe flexible enlaçait doucement le corps tremblant de Malika. Il l'éleva en l'air et confia au bras du Mahou ce précieux trophée de sa victoire. Puis il se retira reculant sur le rivage, sans s'occuper des matelots et du nakoda qui se débattaient au milieu de la mer. Le flot rejeta bien vite sur le sable les débris du canot avec les Arabes qui se secouaient comme des caniches. Les deux rameurs tremblaient de peur et Youssouf de colère. Celui-ci, pressé de retourner à bord de son navire pour y cacher sa honte et son chagrin, cherchait quelques pirogues le long du rivage. Les deux pêcheurs se rencontrèrent à point nommé, comme s'ils l'eussent guetté au passage. Tirupati, le plus jeune et le plus poltron des deux frères, ne se voyait pas sans inquiétude si près du redoutable nakoda, mais Tirubala lui dit tout bas à l'oreille « Viens, cette fois tu n'auras aucun risque à courir. » Puis, s'adressant à Youssouf, « Le nakoda désire se rendre à bord. Il sait bien que notre pauvre pirogue n'est guère en bon état. »« Partons, » dit Youssouf. « Voilà une roupie. »« Le nakoda est un homme généreux, » continua le pêcheur, qui avait vu de loin la mésaventure de l'arabe. « Quel malheur que son canot se soit brisé sur la barre. »« Un plongeon n'est rien pour de pauvres mariniers comme nous, habitués à vivre dans l'eau. Mais pour vous, illustre nakoda, c'est bien autre chose. Vos beaux habits sont tous souillés de vases et de sable. » « Vois donc, Tirupati !» Les Arabes naufragés sautèrent dans la pirogue qui franchit la barre avec la légèreté d'une plume. Un quart d'heure suffit pour les conduire sains et saufs à bord du Baguero. Après avoir souhaité à Youssouf et à son équipage un voyage heureux et toutes sortes de prospérité pour le reste de leurs jours, les pêcheurs s'éloignèrent. Quand la pirogue fut assez distante du navire pour n'être plus aperçue des Arabes, Tiruvala fit signe à son frère de ne plus ramer. « Maintenant, lui dit-il, nous allons en finir avec ces chiens d'étrangers. Un peu de patience encore, et tu verras ce petit poisson a peur de la baleine. Le nakoda veut partir cette nuit, et moi je t'annonce qu'il n'aura pas de brise. Vois la brume qui se lève sur la terre. » Un fin brouillard commençait en effet à couvrir la terre et à se répandre sur la surface des eaux. À bord du Baguero, le tambourin retentit. La vergue pesante se dressa le long du canot au cri cadencé de l'équipage. La voile gigantesque se déploya dans toute sa largeur, mais elle retomba sur les haubans sans que le plus léger souffle vînt la gonfler. Quelques heures se passèrent ainsi. La mer restait calme et unie comme un lac. Peu à peu, le baguereau tourna sur son ancre, de manière à présenter la poupe au rivage. La marée commençait à monter. Il fallait que les Arabes renonçassent à partir ce jour-là. Les matelots grimpèrent sur la vergue et se mirent à carguer la voile. Youssouf se promena quelque temps encore sur le pont. Le fourneau incandescent de sa longue pipe le désignait comme une étoile lointaine au regard des pêcheurs qui demeuraient en observation. Enfin, le capitaine rentra dans la cabine vide qu'il avait si bien parée pour y recevoir Malika, et l'équipage se coucha sur le tillac. À ce moment, Tiruvala passa sur la paume de sa main la lame d'un couteau bien affilé et dit à son frère de ramer vers le baguereau. Tirupati donna quelques coups de pagaie qui firent avancer la pirogue. Tout à coup, il vit avec surprise Tiruvala se lancer dans la mer armée de son couteau. Quand il fut dans l'eau, le rusé pêcheur cacha sa tête sous les vagues. Il nageait sans bruit, à la manière des requins. Après avoir plongé à plusieurs reprises, en se rapprochant toujours du baguereau, Tiruvala atteignit le câble qui liait à son ancre le navire arabe. À l'aide du couteau dont il se servait comme d'une scie, il parvint à couper ce câble et le lourd navire dériva, entraîné vers la terre. Le pêcheur indien retourna à son esquif, montrant du doigt à son frère le baguereau qui marchait à une perte certaine. « Tu vois bien, lui dit-il, qu'ils devaient tôt ou tard nous payer leur mauvais tour. Suivons-les tout doucement, afin d'être à portée de pied quand le naufrage s'accomplira. » Sur cette côte basse et plate, nous l'avons dit, la vague du large, repoussée par la grève, se souleva à une hauteur de plusieurs pieds pour retomber avec fracas. Tant que le baguereau flotta sur une mer paisible et profonde, l'équipage et le nakoda Youssouf ne s'aperçurent point du danger qu'ils couraient. Bientôt, cependant, la coque du navire ayant heurté le fond, les Arabes s'éveillèrent en sursaut. Ils se levèrent épouvantés, sans comprendre d'abord la cause de cette secousse terrible qui avait fait tomber la vergue sur le pont. La vergue, dans sa chute, entraîna la voile immense. Sous ce double poids qui portait d'un seul côté, le navire se pencha et échoua en plein. La vague formée par la barre assaillit avec violence le baguereau à moitié chaviré. Ce fut à bord une confusion inexprimable. Les matelots blessés poussaient des cris lamentables, et ceux qui les entendaient du rivage ne se rendaient pas assez nettement compte du péril pour leur porter un secours efficace. Dans un pareil moment, le sang-froid et l'expérience d'un capitaine peuvent sauver un navire. Par malheur, Youssouf se trouvait dans une position plus critique encore que celle de ses matelots. Surpris dans sa cabine par l'eau qui envahissait la poupe du baguereau, il avait été lancé avec force contre le plancher de la dunette. La tête fendue, à moitié asphyxié par la vague, il cherchait à ouvrir la porte de la cabine pour gagner le tillac. La porte céda tout à coup sous l'effort d'une autre main que la sienne, et il rencontra devant lui la face rayonnante du pêcheur Tiruvala. « C'est moi, » dit l'hindou avec un sourire féroce. « Ton argent, tes trésors, donne vite ou je t'achève d'un coup de couteau !» Youssouf jeta sur le pêcheur un regard enflammé où se peignaient à la fois le mépris et la rage. « Le temps presse. Tu vois bien que ton baguereau s'en va en pièces, » reprit Tiruvala. « Donne-moi ton argent et je te sauverai. » Le temps pressait en effet. L'hindou calculait d'un œil avide combien de minutes le navire mutilé pouvait vivre encore. Pour toute réponse, le nakoda se rua sur le pêcheur. Il tenait à la main son coutelas à la lame recourbée. Les deux ennemis roulèrent au fond de la cabine à demi submergés, en se tenant étroitement enlacés. Ils se portaient des coups terribles dans l'obscurité, menacés l'un et l'autre par l'eau de la mer qui se teignait de leur sang. L'hindou cherchait à fuir, mais l'arabe, pareil au lion mourant qui écrase de sa patte le chasseur terrassé, lui labourait les flancs avec son arme. Cette lutte à mort ne cessa que lorsque l'arrière du baguereau, entr'ouvert par les assauts de la vague, se rompit en éclats. À la marée basse, le navire naufragé resta à sec. L'équipage arabe fut sauvé en grande partie, mais Youssouf ne reparut plus. Tirupati, qui avait débarqué son frère sur le flanc du baguereau échoué, l'attendit en vain jusqu'au jour. Ne le voyant point revenir, chargé du butin qu'il devait rapporter, le prudent pêcheur gagna le large. Seul héritier de la pirogue et des filets neufs achetés à Alep, Tirupati retourna à son village et reprit son ancienne profession. Il renonça pour toujours au métier moissonnette auquel son frère l'avait associé et qui ne convenait guère à son naturel timide.